Chapitre 14e, Oasis dans le désert. En fin d'après-midi, Karim et sa mère se promènent sur la place selon leur habitude. Le motif est de permettre à la vieille femme de se dégourdir les muscles. « Tant que tu marcheras, maman, je serai tranquille pour ta santé », avait dit plus d'une fois le fils à celle qu'il chérit par-dessus tout. Soudain, elle s'arrête, tout émue. « Regarde !» murmure-t-elle. Karim dirige les yeux vers la direction indiquée. Dans un petit espace, entouré d'un enclos constitué de morceaux de bois, relié par des fils métalliques, un vieil homme, modestement vêtu, maigre, est penché vers le sol. Lentement, avec précision, il creuse un trou avec une pelle, puis met une racine. « Bonsoir, Si Hamid, » dit la vieille femme à l'homme. L'interpellé s'interrompt, se redresse, s'appuie sur le bout supérieur de la pelle enfoncée dans la terre et lui sourit avec amabilité. « Bonsoir, » répond-il, « comment va la santé ?» Comme si comme ça avec l'âge. Je constate que toi, tu l'entretiens bien avec ce travail. Depuis ma retraite comme gardien dans une usine, je dois rester actif, et comme je suis né à la campagne, je retourne à ma mère nature. Mais, lui lance sa voisine d'un ton affectueux, tu ne verras pas ces racines devenues arbres. Et alors ? Répond-il avec jovialité. En les semant, mon plaisir est de savoir que d'autres en jouiront. Il regarde les alentours salis par différents objets jetés par terre. Espérons que ce petit futur parc encouragera les habitants à mieux se respecter en respectant leur espace commun. Oh là, objecte la vieille femme, sceptique. Les employés communaux préposés au nettoyage accusent les résidents de ne pas mettre les immondices dans les bacs destinés à cet usage, tandis que les résidents reprochent aux employés de ne pas accomplir correctement leur travail. Et ce malheureux Saïd subit les conséquences, et nous tous avec lui. Eh oui. Alors faisons chacun ce qu'il peut. C'est déjà ça le bien. La mère et le fils saluent le généreux semeur, puis continuent leur promenade. Donne-moi ta main, Karim. J'aime bien la sentir de la mienne. Ta main est chaude, elle réchauffe la mienne, désormais refroidie. Le fils prend délicatement la main de sa mère, la serre avec affection dans la sienne, et ils poursuivent leur chemin. Ils passent près du salon de coiffure de Rachid. Il est calmement assis sur une chaise au seuil de sa boutique dépourvue de clients. En voyant la mère et le fils, il se lève promptement, s'approche d'eux et les salue avec chaleur. « Comment va ta maman ?» s'enquiert la mère de Karim. « Elle va bien, » répond le coiffeur. « Et toi, ou Mimti ?»« Ma mère, comment va ton dos ?»« Quand il me cause des douleurs, je m'adosse au tronc d'un arbre et caresse ma colonne vertébrale. Et cela marche. » Une chinoise m'a enseigné la méthode. Soudain, Rachid, excité, propose. « Attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. » Il court à l'intérieur de son salon, puis revient en tenant par la tige verte une belle rose rouge. Il s'adresse à Karim. « Permets-tu que je l'offre à ta maman ?»« J'avais pris cette fleur de notre petit jardin pour embellir mon salon, mais en voyant ta maman, je préfère la lui offrir. Comme on dit, une fleur pour une fleur. » Karim et sa mère sont enchantés. « Ah, comme tu es gentil, Rachid !» apprécie cette dernière. « Je constate que ta mère est une belle jardinière puisqu'elle a produit une belle fleur comme toi. » « Tu en as fait de même avec Karim, » ajoute Rachid. La vieille femme, tout émue, prend la fleur, puis remercie vivement le coiffeur. Karim lui sourit avec amitié. Ensuite, lui et sa mère s'éloignent. En marchant, cette dernière tient fièrement dans une main la belle rose toute droite. Cette rencontre rappelle à Karim l'itinéraire du coiffeur. Adolescent, il émigra en France, avec sa petite sœur, emmenée par leurs parents. Une vingtaine d'années plus tard, père et mère divorcèrent. Celle-ci et la sœur de Rachid retournèrent au pays. Lui préféra rester en France. Il y possédait un bon salon de coiffure, à l'activité florissante, rue de la Goutte d'Or, où résident beaucoup d'Algériens. Puis, voilà 2 ans, Rachid reçut la plus malheureuse information de sa vie. Suite à une maladie, sa mère devint handicapée et sa fille s'en est désintéressée, accordant ses soins uniquement à son mari et à ses enfants. Alors, Rachid, qui ne s'était jamais marié, retourna à Oran pour vivre avec sa mère et s'occuper d'elle. Pour se venir aux nécessités de la vie, il ouvrit le petit salon de coiffure tout près du logis à Grande-Terre. Tous ces faits, Karim les connaît par Rachid lui-même, en allant se faire couper les cheveux dans son salon de coiffure. Karim découvrit avec plaisir que les malheurs n'avaient en rien entamé le bon caractère du coiffeur, toujours de bonne humeur. Il regrettait seulement la régression du pays dans tous les secteurs, de la saleté des rues, déclara-t-il, à celle des esprits. Il reconnaissait toutefois « Je vis avec ma mère. Je suis heureux de lui rendre la dette que je lui dois. celle de m'avoir donné la vie et une belle éducation. Et j'ai le soleil, la mer et l'amitié de quelques belles personnes, comme toi. C'est déjà bien. » Durant leur promenade, Karim et sa mère s'approchent d'un figuier, solitaire et sans fruits, cependant joli, avec de longues branches garnies d'agréables feuilles vertes. Il orne le bord d'une petite place. La laideur environnante de l'endroit a épargné ce témoin d'une terre qui fut, dans le passé, une belle nature. « Ah, voici mon arbre, » dit la mère toute contente. « Asseyons-nous là un peu, je dois me reposer. » Ils se mettent sur le rebord entourant l'arbre. La mère reste pensive, le regard perdu devant elle. Le temps est printanier, lumineux, parfumé par le feuillage environnant. Karim éprouve le besoin de photographier sa mère pour conserver une preuve concrète de ce charmant instant. Il se lève, tire d'une poche son téléphone portable et prend une photo. Ensuite, il regarde le résultat pour en contrôler le bien rendu, puis jette un coup d'œil à sa mère. Son doigt fessé, le regard probablement perdu devant elle, songeant à sa vie, peut-être au bilan. Un serment de cœur saisit le fils. Il connaît par les nombreux récits de sa mère combien son existence fut éprouvante à cause du maigre salaire de son mari prolétaire et des humiliations qui en furent les conséquences. Pour se débarrasser de son amertume, Karim revient près de sa mère. « Maman, pourquoi tu as dit mon arbre ?» Le visage de l'interpellé répond par une douce mélancolie. « Quand ta sœur me manque trop, dit-elle, je viens ici, je m'assois et je chante une chanson que j'ai composée pour elle. Dieu a voulu qu'elle parte en émigration et qu'elle vive loin de sa famille. Dieu a voulu ?» Karim taquine gentiment sa mère. Il sait que depuis quelques années, suite au bombardement religieux systématique, tant par les médias d'État que par la propagande intégriste, sa mère est devenue plutôt bigote. Auparavant, elle savait que les actions humaines relevaient d'abord de la responsabilité humaine. À présent, elle explique tout par Dieu, sans se rendre compte des contradictions conséquentes. Cependant, Karim s'entête à aider sa mère pour raisonner de façon logique, comme dans le passé. Il sait qu'elle est intelligente et que, malgré tout, elle n'a pas complètement perdu sa capacité de réfléchir de manière saine. « Et qui, relance la mère, a décidé l'exil de ta sœur, sinon Dieu ?»« Pourquoi Dieu ferait-il une si cruelle action ? N'est-ce pas plutôt ce qui gère si mal notre état ?» La mère hausse légèrement les sourcils, pas convaincue. Elle conseille, avec inquiétude, « Ne t'intéresse pas à la politique, mais plutôt à la religion. Tu dois penser à ta vie future, après la mort. » Le regard de Karim s'attendrit. Sur les thèmes délicats, il veille toujours à ne pas heurter les croyances de sa mère. « Je préfère, répond-il avec tact, penser d'abord à rendre la vie sur terre plus acceptable, pour moi et pour les autres. Et si je me comporte de manière à ne pas mentir, ne pas voler, ne pas humilier, ne pas tuer, mais à respecter scrupuleusement la dignité des autres, cela ne suffit-il pas à Dieu ?»« Ah, c'est ma faute, » se lamente la mère. « Quelle faute ?»« Si, quand tu étais petit, je ne t'avais pas encouragé à étudier, à aimer la lecture des livres, à employer ta raison, à défendre ta dignité, mais au contraire, à aller à la mosquée et de te comporter comme les autres, je ne serais pas inquiète aujourd'hui pour ta vie ainsi que pour ce qui t'arrivera après ta mort. » « Ne t'inquiète pas, ma petite maman chérie. Si Dieu est sage, comme on l'affirme, il ne me fera rien de mal, puisque je n'en fais pas ni à moi ni à d'autres. » Il prend un ton plus confidentiel et jovial. « Maintenant, s'il te plaît, maman, chante-moi la chanson que tu as composée pour ma sœur. » La mère le regarde, hésitante. « Je t'en prie, » insiste-t-il, gentiment. Elle réfléchit, il attend. Quelques secondes après, le regard dirigé vers le lointain, elle chantonne avec un émoi contenu d'une voix demeurée juvénile, bien timbrée en dépit de l'âge. « Quand le bateau t'a prise, ma tête s'est mise à tourner, mes larmes ont coulé, et je me suis demandé... » Elle s'interrompt en voyant apparaître la mystérieuse jeune fille nommée Al-Mahboula, la folle. Celle-ci passe tout près, s'arrête et contemple la vieille femme avec une tendre expression. Karim et sa mère l'observent avec amabilité. « Continue à chanter, » murmure la jeune fille d'une voix très douce. La mère de Karim sourit, émue par cette invitation. Elle l'a entendu parler et a vu parfois cette jeune fille. Aussi l'instinct de la mère est profondément troublé à la vue de cette malheureuse. « Elle aurait pu être ma fille, » dit la mère à Karim. « Chante, » répète du même ton celle qui a perdu la raison, mais pas le goût du chant. « Oui, maman, » intervient Karim pour encourager sa mère. « Continue à chanter pour elle et pour moi. » Bien qu'encore troublée par la forte compassion envers la jeune infortunée, la mère reprend à chanter, d'une voix cependant tremblante un peu. « Ya Rabbi, oh mon Dieu, pourquoi ce malheur? Séparer la fille de sa mère, séparer la fleur de sa racine, séparer l'eau de sa source. Combien de temps durera cette cruauté quand... » La voix étranglée, la mère s'interrompt. Elle se tourne vers son fils, les larmes dans les yeux. « Tu vois, je pleure. » Elle indique la jeune mystérieuse. « Elle aussi, elle pleure. » Avec les mains tremblantes, la mère essuie les gouttes débordées sur ses joues. Profondément remuée, Karim regrette d'avoir attristé sa mère et la jeune fille. Cette dernière, sans sécher ses larmes, tourne brusquement le dos et s'éloigne rapidement, comme éperdue, jusqu'à disparaître de la petite place. Karim tente d'apaiser sa mère. « Il vaut mieux que ta fille, ma sœur, soit loin, mais pas malheureuse comme elle l'était ici. Elle n'a pas pu résister à toutes les misères dont elle était victime. Rappelle-toi ses paroles. « Maman, à toi de décider pour moi. Soit tu m'autorises à partir, en me bénissant, soit je finirai par me suicider. » Heureusement, toi, maman, malgré ta profonde douleur, tu as compris le problème et tu l'as laissé partir. Eh oui, elle était si malheureuse, elle aimait tant la vie. Elle faisait du théâtre amateur, elle avait des amis, aussi bien filles que garçons. Hélas, comme tu le sais, un soir, alors qu'elle retournait chez elle toute seule, à quelques mètres de la tour, un jeune lui plantait un couteau dans la cuisse en lui déclarant « Ainsi tu apprendras à ne plus mettre une jupe courte et à faire l'actrice. Petite putain, nous te surveillons. Porte le voile, sinon nous te violerons, puis te trancherons la gorge comme un agneau, ou plutôt comme une chienne. » Ta sœur ne voulait pas se résigner à une existence d'esclave. Elle alla présenter une dénonciation à la police. On lui répondit avec mépris « Tu n'as qu'à porter le voile. » Elle revint à la maison tout en pleurs et me cria « Je ne veux pas vivre dans une prison. » « Quelle prison ? » ?»« Le voile est une prison. » »« Mais moi, ta mère, je porte un voile quand je sors. » « Eh bien moi, je ne l'ai jamais porté, et ne veux pas le porter, car il m'étouffe. » Et d'abord, il m'est imposé par des obsédés sexuels, oui, des malades sexuels. Car s'ils ne l'étaient pas, en quoi la vue d'une fille en jupe les dérange? Ils sont tellement tarés sexuellement que même la chevelure d'une femme, ils ne supportent pas de la voir. Plus tard, le même soir, alors que ta sœur dormait, exténuée et désespérée, moi j'ai essayé de trouver un soulagement. Dans mon lit, j'ai voulu écouter une chanson. Le hasard voulut que celle qui se présenta était très particulière. Dès les deux premiers vers, « Ouaran, Ouaran, Ruti, Ksara, Raou, Manak, Nasashtara. » « Oran, Oran, tu es parti en gâchis. De toi sont parties beaucoup de personnes. » Mon visage s'est baigné de larmes, et je ne comprends pas pourquoi ta sœur, que je croyais endormie, est entrée dans ma chambre. En écoutant cette chanson, elle tomba sur mon lit, m'enlaça à m'étouffer et éclata en sanglots. Long et déchirant, ils me percèrent le cœur. Je compris alors que ma fille allait être arrachée à ma vue pour se retrouver toute seule en exil. Alors j'ai maudit, oui, j'ai maudit les criminels qui dirigeaient notre pays, en obligeant ses habitants à le quitter avec le plus amer des regrets et la plus affligeante humiliation. Au pied du figuier, la mère de Karim s'essuie lentement avec les mains les larmes sur ses joues. Son fils baisse les yeux quelques secondes, désolé de voir la douleur de sa mère, mais content de constater la malédiction lancée par elle contre la mafia dominant le pays. « Inutile, la colère, se dit-il. Ce qu'il faut, c'est lutter. Lutter pour se débarrasser de cette vermine qui jouit en causant tant de larmes et de misère. » Karim se compose d'une expression de visage convenable, se lève et déclare à sa mère, de sa voix la plus affectueuse, « À présent, ma sœur, bien que résidant dans un autre pays, n'est pas victime des humiliations qu'elle a subies ici. C'est le plus important. Et puis elle vient nous voir régulièrement. » « Oui, reconnaît la mère, entre peine et soulagement. » L'important est qu'elle ne soit pas malheureuse. Mais qu'ont fait toutes ces femmes et tous ces hommes de notre pays pour souffrir tellement sans que Dieu ne vienne à leur secours? Maman, réplique avec délicatesse Karim, les malheureux doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour s'en sortir. C'est ce que ma sœur a compris et c'est ce qu'elle a fait. Soudain, le visage de sa mère s'obscurcit d'angoisse. Toi, Karim, tu ne partiras pas, hein? Tu ne me quitteras pas. Non, non, oui, m'tira, les Isa. « Petite maman chérie, sois tranquille, rien ne pourra me séparer de toi, rien, absolument rien. » Il veut ajouter « sauf la mort ». Il s'en empêche pour ne pas attrister sa mère. Au contraire, pour la détendre, car il m'a une idée. « À présent, lui dit-il, pensons aux beaux aspects de la vie. Pour te remercier d'avoir quand même chanté, je voudrais t'offrir quelque chose que tu aimes particulièrement. Quoi donc ? Un bon poulet rôti. La mère se détend, réjouie par la proposition. Ah, toi, Oulidi Al-Ghazal, mon enfant gazelle. Heureusement que tu restais près de moi. Allez, aide-moi à me lever. Chaque fois que Karim entend sa mère employer Oulidi Al-Ghazal, il en est profondément ému. Il lui tend avec toute son affection les deux mains et l'aide à se mettre debout. Elle prend la main de son fils, puis ces deux êtres, liés par le plus doux des sentiments, s'éloignent lentement du figuier. En marchant, Karim s'arrange pour que sa mère ne voie pas son visage. Il le devine mélancolique. À son insu, Karim pense à l'âge de sa mère. Il revoit la peau rabougrie de ses mains, le front et les joues de plus en plus ridés, la démarche moins assurée. Combien de temps encore pourrais-je bénéficier de la présence de maman ? La question lui comprime douloureusement le cœur. Il essaie d'écarter de son esprit cette funeste fatalité pour empêcher ses larmes de couler. La lune, presque ronde, très brillante, reflète tout son éclat dans le ciel obscur. L'infirmerie de l'hôpital est plongée dans le silence, illuminée par une petite lampe de bureau, rendant l'ambiance intime. Assis sur une chaise, Karim finit de lire la dernière page du troisième ouvrage emprunté chez Sylaphide. La collègue infirmière, Fatia, entre dans l'infirmerie. Alors, toujours à lire? Eh oui. Tu as l'air heureux. Comme un chamelier arrivé dans son oasis. Tu as raison. En effet, je me sens un chamelier arrivé dans son oasis, après un long voyage et, je dirais même, après une longue errance. Cependant, il lui reste du chemin à parcourir. Alors, bon voyage, bédouin du désert. Merci, merci. L'infirmière prend une seringue, du coton et une bouteille de sérum, puis s'en va. Tout de suite après, un chef infirmier apparaît. Il a environ 55 années, un physique corpulent, des yeux noirs intelligents. Alors, Karim, toujours à t'instruire? Oui. À propos de quoi, maintenant? De quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, même entre nous, dans notre section syndicale. Ah ah, de quoi s'agit-il? L'autogestion. Le collègue écarquille les yeux de surprise. L'autogestion, tu as dit? Oui. Après un très bref instant de perplexité, l'homme affirme, enlevant le bras droit en signe de fatalité. Cela fait partie d'une histoire totalement effacée et oubliée. Le peuple a besoin d'autre chose. Quoi? Oh, ce n'est pas le moment propice d'en parler. Un malade m'attend. Le matin, Karim quitte l'hôpital. En passant devant le bar des amis, il aperçoit Sylaphide, attablé sur la terrasse, devant son habituel verre à thé à la menthe. Il lit un journal. Karim s'en approche. Peu après, il est assis en face de son vieil ami, lui aussi devant une boisson identique. Et Karim engage la discussion lui tenant à cœur. Il fait part de la réaction négative de son collègue syndicaliste plus âgé au sujet de l'autogestion, puis commente. « Pourtant, j'ai compris que c'est la seule méthode pour éliminer ce qui nous mine et nous empêche de progresser, à savoir l'autoritarisme, le désir de jouer au chef en imposant une hiérarchie, sous le prétexte d'éviter ce qu'on appelle anarchie, sans savoir que cette conception est, sous forme d'autogestion, la seule capable de réaliser le principe « producteur, sauvons-nous nous-mêmes ». Qu'en penses-tu ? Sylaphide hoche légèrement la tête, puis réfléchit. Ensuite, il vérifie qu'aucun client n'est trop proche de la table. Enfin, il parle d'une voix basse. Aujourd'hui, en Algérie, il est très rare de trouver des gens sensibles à cette question de l'autogestion. Elle a été occultée de toutes les manières possibles par tellement de gens, notamment ceux qui prétendaient sauver le peuple avec une théorie toute prête, élaborée par une sorte de prophète laïque. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'y avais cru. Heureusement, par la suite, l'expérience et des lectures m'ont ouvert les yeux. Mais il faut bien l'admettre, ce pays, le nôtre, est la proie de tellement de problèmes qu'en effet, parler d'autogestion, c'est évoquer une oasis à un égaré dans le désert le plus inhospitalier et n'ayant vu que des mirages. La discussion finit par une invitation de Sylaphide. Allez, ne t'inquiète pas trop. Je t'invite de m'asseoir à une réunion. Tu constateras, malgré tout, l'existence d'oasis dans notre désert, même si trop de gens l'ignorent.